Chapitre 25. Gephès s'en va en guerre. Méloir arrêta son cheval et regarda Vincent Gephès. Celui-ci ne baissa point les yeux. Méloir était pâle. Des gouttes de sueur perlaient à ses tempes. « C'est comme si je vendais mon âme à Satan, » murmura-t-il. « Mais peu importe. Tu auras les 100 écus d'or, la tête du petit Jeannin et la jolie Simonette. »« Quels sont mes gages ? Ma foi de chevalier que je te donne. » Vincent Gephès aurait peut-être préféré autre chose, mais il n'osa pas le dire. « La foi d'un illustre chevalier tel que vous, répliqua-t-il, vaut toutes les garanties du monde. » Il toucha son cheval pour se mettre sur la même ligne que Méloir, et reprit. « Le traître Maurevers a maintenant de la compagnie. Les gens du village ont été le rejoindre, après que vos soldats... Car ce sont bien vos soldats qui ont mis le feu, messire. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les en empêcher. Je m'en fie à toi, maître Vincent. Je suis un homme de paix, messire, et cette catastrophe m'a gravement saigné le cœur. Nous trouverons donc, disais-je, auprès du traître Maurevers, l'émanant du village de Saint-Jean, plus sa fille Irène qui se moqua si bien de vous l'autre nuit en coupant les cordons de votre escarcelle. C'était Irène ? S'écria Méloir. Elle aurait pu vous donner de votre propre dague dans la gorge, messire, et les rieurs seraient restés de son côté. Je continue. Nous trouverons probablement aussi cette bouture de chevalier, messire Aubry de Kergario. Ah, celui-là, que Dieu le confonde. Amen, mon cher seigneur. En conséquence, ce n'est plus une meute qu'il nous faut, mais une armée. Une armée ? Dit Méloir en haussant les épaules. « Une armée pour réduire 2 douzaines de pâteaux et quelques femmes ? Sont-ils donc dans une forteresse ?»« Oui, messire, » répondit Gephès. « Ils ne sont pas au couvent du Mont-Saint-Michel, je pense, » s'écria Méloir. Gephès secoua la tête en ricanant. « Ma foi, » répondit-il, « s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils n'y veulent point être. » Car votre duc François est terriblement en baisse parmi les bons moines. Mais enfin, ils n'y sont pas. Seulement, des murs du couvent qui dominent la ville, on les voit assez bien. Ils sont à Tombelaine ? Vous l'avez dit, messire. On les voit assez bien remuer leurs roches et clore leur enceinte. Il y a de bons bras parmi eux, mon cher seigneur, et de bonnes têtes, car leur petit fort prend tournure. Homme d'armes ! Cria Méloir. Au galop ! Les lourds chevaux frappèrent le sable en mesure. On passait devant le bourg de Saint-Georges. Gephès, quoiqu'un peu maquignon, n'était pas un écuyer de première force. Il se prit à la crinière de sa monture et galopa ainsi aux côtés de Méloir. Plusieurs fois il voulut poursuivre la conversation, mais le mouvement de son cheval et le vent de la grève lui coupaient la parole. Quand la cavalcade traversa le lieu où le pauvre village de Saint-Jean élevait naguère ses 8 ou 10 chaumines, Méloir détourna la tête. Vincent Gephès pensait. Toutes ces bonnes gens se moquaient de moi. On riait quand je passais. Les enfants disaient « Voici venir la mâchoire du Normand. » La mâchoire, elle avait des dents. Elle a mordu, voilà tout. Et il regardait les places noires qui marquaient l'incendie. C'était un coquin sans faiblesse, n'ayant pas plus de nerfs que de cœur. Placé comme il faut, au temps qui court, il eût été loin, ce maître Vincent Gephès. La troupe de Méloir était campée maintenant dans la cour du manoir de Saint-Jean. Les hommes d'armes occupaient la salle où nous avons assisté à ce triomphant souper de la première nuit. Les choses avaient beaucoup changé depuis lors, à ce qu'il paraît, bien qu'on ne fût séparé de ce fâcheux souper que par 48 heures à peine. Dans la cour, les soudards et archers, vous avez une contenance mélancolique. Bélissant le veneur, lui-même grondait sans motif aucun ses grands lévriers de Rieux. Il était pourtant arrivé dans la journée 7 ou 8 lances de Saint-Brieuc avec leur suite. « Holà, qu'on se prépare à partir !» cria Méloir en entrant dans la cour. D'ordinaire, ce commandement trouvait tous les soldats alertes et joyeux. Ce soir, ils s'ébranlèrent lentement et comme à contre-cœur. Était-ce conscience de l'armée faite de la nuit précédente? On n'oserait point l'affirmer. En tout temps, le soldat se pardonna bien des choses à lui-même. Mais ces hommes d'armes qui venaient d'arriver apportaient des nouvelles. La main de Dieu était sur le duc François de Bretagne. Tout le monde l'abandonnait à la fois. Et tout le monde attendait avec une sévère impatience le moment fatal fixé par la citation de M. Gilles. Personne d'ailleurs ne doutait que François ne dût aller, avant 40 jours écoulés, devant le terrible tribunal où l'appelait son frère. Car l'histoire, si variable en ses autres enseignements, ne s'est jamais démentie sur ce fait. Les princes à qui la pensée religieuse a déclaré la guerre sont perdus. Soit qu'une excommunication tombe sur leur tête rebelle des hauteurs du Vatican, soit que la conscience populaire se mette au lieu et place des foudres de l'Église. Ici, c'était la voix du sépulcre qui s'était élevée. Et la voix des morts, comme la voix du pape ou la voix du peuple, est la voix de Dieu. Au moment où le chevalier Méloire passait le seuil de la salle où étaient rassemblés ses hommes d'armes, une discussion très vive et très échauffée cessa brusquement. Méloire n'en put entendre que quelques mots, mais ce qui suivit fut une explication parfaitement suffisante. Guéravel et Fontebrault se levèrent en même temps à son approche. « Messire, lui dit Guéravel, je m'en vais retourner à mon manoir du Huel-Duc, devant Hennebon, sauf votre bon vouloir. »« Et pourquoi cela ? » demanda le chevalier en fronçant le sourcil. « Parce que mes moissons se font mûres, répondit le brave homme d'armes avec embarras. « Du diable, si tu te soucies de tes moissons, toi, Guéravel ! Mais va-t'en où tu voudras, tu es libre. » « En vous remerciant, messire. » Guéravel tourna les talons. « Et toi, Fontebrault, dit Méloire, est-ce que tu aurais aussi fantaisie d'aller voir mûrir tes seigles ?»« J'ai reçu avis, répliqua gravement Fontebrault, que madame ma femme est en voie de délivrance. »« Sapreblu ! » s'écria Méloire. « C'est affaire du médecin chirurgien, mon compagnon. »« Sauf votre bon vouloir, messire, je vais m'en retourner du côté de l'Amballe, où est ma demeure. »« Sapreblu ! Sapreblu !» Fontebrault prit congé. Méloire jeta un regard oblique sur les hommes d'armes qui restaient. Il vit Rochemesnil qui se levait. « Et toi, tu n'as ni moisson ni femme, Rochemesnil ? » s'écria-t-il. « Je te préviens qu'il y a bataille cette nuit. Si tu veux t'en aller après cela, honte à toi. »« S'il y a bataille, je reste, » répartit Rochemesnil. « Mais après la bataille, je m'en vais. »« Où ça ?» De vers Guérande, où feu monsieur mon cousin Foulché m'a laissé des salines sous son beau château de Careil. Méloire se laissa choir sur l'unique fauteuil qui fut dans la salle. Sapreblu, sapreblu, sapreblu, grommela-t-il par 3 fois. Et c'était preuve d'embarras majeur. En sommes-nous donc là, déjà ? Reprit-il. Je croyais que nous avions encore au moins 20 jours devant nous. Comme on le voit, entre lui et les autres, ce n'était qu'une question de semaine. Il demeura un instant pensif, puis il se redressa tout à coup. « Allons, Rochemesnil, dit-il, va-t'en voir les salines que t'a laissé feu, monsieur ton cousin Foulché de Careil, et que le diable t'emporte. » Rochemesnil ne se le fit pas répéter. Méloire regarda ceux qui restaient. « Voilà les brebis parties, s'écria-t-il. Il ne reste plus séant que les loups. Sapreblu, mes fils, une dernière danse, et qu'elle soit bonne. Après, s'il le faut, nous aurons toute une quinzaine pour faire notre paix avec le futur duc, que Saint-Sauveur protège, ajouta-t-il en touchant la toque qui remplaçait sur sa tête le casque conquis par Aubry de Kergario. Ce bout de harangue fit un assez bon effet. Péan, Couetodon, Kerbeel, Corson, Hercote, et d'autres encore, se levèrent et dirent « Nous sommes prêts. » « Donc, commençons le bal, » ordonna Méloire. Chacun s'arma. On ne laissa pas un seul soldat au manoir. Bélissant fut chargé d'emmener les lévriers qu'on devait parquer sous la chapelle Saint-Aubert au Mont-Saint-Michel afin de couper la retraite aux proscrits s'ils s'avisaient de vouloir tenter la fuite à travers les grèves. À la nuit tombante, la cavalcade sortit du manoir, suivie par les archers et les soldats en bon ordre. Maître Gueffès était de la partie. Son souhait se trouvait du reste accompli. C'était une véritable armée, une armée trois fois plus forte qu'il ne fallait, selon toute apparence, pour réduire les pauvres gens réfugiés à Tombelaine.